Bye. la boussole est faussée. Le con va renverser. Thank you. ne te moque pas de moi. Je suis celui qui vit partout au nom du bien, n'acceptant rien des tiens. Pardonne-moi, je suis envieux de ta puissance qui n'est pas celle des cieux. Ta grande science qui n'est grande qu'à tes yeux. Je suis celui qui n'est pas fou pour sacrifier sa liberté comme vous. Thank you. jadis le temps changeant.